crime pauvre, vêtements chers. Là, je suis sous vos codeurs comme cher. Sur la scène ou sur la selle, il faut que ça pète. Sur ma tête, je n'ai plus rien à perdre, j'en ai plus rien à battre. Je suis ma zèbre au fond d'un parc, je vois un civil qui passe, je me dis ça passe. De toute façon, tout est caché dans les arts. Je ne changerai jamais, je connais leur manège, rien que ça vanait. Pendant des années, toi tu ramais. Ils crachaient, mais tout le monde adhère dès que ça ramène un peu de vif. Et si demain je veux partir loin, je me tire. J'emporterai juste un 5 de pif. Comme les darons, je crains le pire. Depuis l'époque des trains de nuit, ouais, ils ont critiqué mon train de vie. Moi, je suis juste en train de vivre. J'suis ivre comme un oiseau qui aurait bu du gin. Même si j'suis grillé, pour toi j'passe mes nuits à crier. Je voudrais oublier, tout ça va sûrement me faire briller. J'espère apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Combien de frissons pour un air de guitare. Toutes ces années gâchées à construire des remparts. En jetant la clé au milieu de nulle part. Et attendre, attendre, sans se poser de questions. Oublier sa raison. Attendre, attendre, fermer les yeux. Se dire que tout va mieux pour l'instant. Je t'attends dans ma chambre. Je compte les jours qui passent. J'espère que ça va passer. J'attends, j'attends. Je fais confiance à ma chambre. Je me demande combien de temps je vais attendre. Pour aller plus vite, je pourrais appeler Satan. Mais je m'en bats les couilles de ses avances. Si ça coule, ce sera la faute à pas de chance. Là, je suis sous les frérots, je se batte. Et tous mes frérots le savent. C'était j'y crois, même si c'est un coup de tête. Où je prends un aller simple au paradis. J'étais jamais simple, crois-moi. J'en vis l'époque où j'avais 3 mois. Quand je me retrouve dans le noir, tout ce que j'ai, c'est que c'est à moi. J'ai vexé ma femme, je sais que c'est ma faute. Je me suis fait un film avec ses infos. Parfois je suis infâme, je me dis que je suis un autre. Mais elle m'aurait déjà quitté si j'étais un autre. La nuit, je cours après les notes. Comme une souris dans un piano. Ta ta ta ta ta la la. Ti ta ta ta ta la. Je suis pas pour retrouver mon corps. Pourri dans un tonneau. Ta ta ta ta ta la la. Ti ta ta ta ta la. Le temps d'apprendre à vivre. Il est déjà trop tard. Combien de frissons pour un air de guitare. Toutes ces années gâchées à construire des remparts. En jetant la clé au milieu de nulle part. Et attendre, attendre. Sans se poser de questions. Oublier sa raison. Attendre, attendre. Fermer les yeux. Se dire que tout va mieux pour l'instant. Je t'attends dans ma chambre. Je compte les jours qui passent. J'espère que ça va passer. J'attends, j'attends. Je fais confiance à la chance.